quand j'ai préparé cette communication, je me suis dit, mais comment faire, non pas pour dire des choses, mais pour ne pas en dire certaines, parce qu'en fait, je pourrais vous en parler pendant 5 heures, pendant 10 heures, j'aurais de quoi faire. Pour une fois, j'ai répété ce matin, je me suis dit, attention, c'est pas un colloque, c'est une conférence, donc il y a des gens qui ont des rendez-vous après, etc., donc on va essayer de tenir 3 quarts d'heure. Et j'avais beaucoup plus que 3 quarts d'heure, donc je vais réduire. Je vais parfois vous frustrer en vous disant « je pourrais vous parler d'eux, mais je ne vous en parlerai pas ». C'est sûrement pas pour vous frustrer, c'est pour vous montrer qu'il y a des portes ouvertes, qu'il y a encore des choses à découvrir dans ce domaine. Et je voudrais ancrer cette présentation dans l'actualité. On pourrait se dire « tiens, le prince Eric, bon bah oui, on en a entendu parler, mais enfin c'est comme un vieux machin, il a 77 ans, il a été créé il y a 77 ans. » Donc eh bien, par exemple, ils ont tout à fait pris, découvert au hasard d'une lecture, un des romans de la rentrée de septembre, Une année qui commence bien, de Dominique Noguet, paru donc en septembre 2013. Et donc je termine la semaine dernière, et à un moment donné, je vois qu'il compare un de ses personnages au prince Eric. Et on lui explique qui est le prince Eric, et on compare son personnage au prince Eric. Donc je me dis, le prince Eric, ce n'est pas juste une élucubration personnelle, il continue à solliciter nos contemporains. C'est vrai que Dominique Noguet a passé 60 ans, donc c'est aussi des questions de génération, mais il y a quelque chose qui reste présent, je vous en reparlerai tout à l'heure. Vieux personnage, je vous le disais, il a été créé en 1937, il apparaît dans un roman de Serge Dalins, roman qui est intitulé « Le Brassé de Vermeil ». C'est sa première apparition. En réalité, il date d'avant 37, puisque le projet de ce roman avait germé quelques années plus tôt déjà, dans un contexte particulier qui est un contexte d'essor de ce qu'on appelait le roman scout. Alors, comment définir le roman scout? Alors là, déjà, si je me lance dans un essai de définition, on va en avoir pour longtemps, parce qu'il n'est pas facile d'avoir une définition très très, très très stable, très très sûre. Je vous dirais simplement que le roman scout, c'est globalement un roman dans lequel les protagonistes sont scouts, qui donc se déroulent très souvent dans un cadre scout et qui aussi suppose des activités qui ont un lien avec le scoutisme. C'est pas une bonne définition, mais c'est une définition pratique en tout cas. Le scoutisme, je me rappelle, est né en Angleterre en 1907, il arrive en France en 1911, mais il faut vraiment attendre l'entre-deux-guerres pour qu'il connaisse un essor important. Les premiers romans scouts en français sont publiés en 1913 déjà, mais ce sont des romans qui n'ont absolument rien à voir avec le Brassé de Vermeil, ce sont des romans d'aventure, rocambolesques, échevelés. Alors vous pouvez trouver des scouts qui se trouvent dans des dirigeables, alors je pense à Jean de la Hire par exemple, ils se trouvent dans des dirigeables, le dirigeable prend feu, ce qui déjà n'est pas de chance, ils tombent dans le désert où ils sont traqués par des bédouins, donc deuxième pas de chance ils savent s'en sortir. Ils vont arriver dans un sous-marin qui va les emmener aux États-Unis. Enfin, c'est du roman d'aventure classique, rocambolesque, et les scouts ne servent dans ce cas-là qu'à rénover une matière qui est déjà un peu usée. On connaît bien les aventures à la Jean de la Hire. Comment faire pour les rénover? On change de personnage, on leur met un autre costume. Mais on y trouve évidemment que cela comme élément purement scout, si vous voulez, et bien entendu absolument pas d'éléments qui sont en lien avec l'esprit scout et avec le scoutisme tel qu'il se pratique dans la réalité de cette époque-là. Alors, à la fin des années 20, on trouve un certain infléchissement, c'est-à-dire que le roman scout va commencer à s'infléchir dans le sens d'une plus grande vraisemblance. Les dirigeables ne prendront plus tout à fait feu, ou alors s'ils prennent feu, on ne débarque plus chez les bédouins juste après, et les romans vont s'ouvrir un peu plus de pédagogie. Et donc un peu plus également de valeur scout. On le voit en 1927 avec la rue de nuit de Kerviselle de Pierre Delsuc, vous l'avez sur la diapositive. C'est intéressant parce que c'est le premier roman qui porte en sous-titre la mention roman scout. Avant ça, c'est un syntagme qu'on peut entendre parfois, et c'est pour la première fois en 1927 qu'il apparaît sur une couverture. En 31, même mouvement avec quelqu'un comme Jacques Michel, dont je vous reparlerai, qui est l'auteur de l'aventure du roi de Torola. C'est une histoire qui annonce d'une certaine façon l'histoire du prince Eric. Alors on n'est pas dans le vraisemblable, c'est dans l'univers féerique. Dans cet univers féerique, on trouve un jeune monarque qui est entouré de conseillers félons, et c'est grâce aux scouts qui viennent camper tout près de son royaume de Torola que le jeune roi va réussir à s'en sortir. Vous voyez, un jeune roi avec des conseillers félons, on est très très proche de l'histoire du prince Eric, qui sera évidemment très différente en même temps de celle de Jacques Michel. Alors, ces années de mutation du roman scout, je vous en parle parce qu'elles sont importantes également sur le plan éditorial. Jusqu'alors, les romans scouts étaient accueillis dans des collections beaucoup plus généralistes. À partir de la fin des années 20 et du début des années 30, on voit apparaître des collections spécifiquement dédiées aux romans scouts. C'est le cas notamment de du Feu de camp, collection scout dans son titre même, le Feu de camp, hein, qui est publié par Gigor à partir de 1933. Pourquoi des collections spécialisées? Parce que le scoutisme fait un boom extraordinaire, c'est-à-dire que, alors je reprends mes chiffres, hein, les effectifs scouts pour l'ensemble de la France sont multipliés par 7 à la veille de la Première Guerre mondiale par rapport à ce qu'ils étaient durant les premières années d'implantation du scoutisme en France. Donc vous voyez que là, il y a une masse de lecteurs potentiels qui est apparue en quelques années. Bon, contexte d'essor du roman scout, mais il ne s'agit pas que de cela. Pour connaître le prince Eric, il faut une rencontre avant tout entre Serge Dalens et Pierre Joubert. Alors, le prince Eric, le premier roman, Le Brassé de Vermeil, est écrit en 3 ans, entre 1933 et 1935. Dalens va nous expliquer la genèse de la constitution du Brassé de Vermeil dans une interview qu'il a donnée à Alain Gou dans les années 70. Le scénario a été pensé, dit-il, a été pensé, bâti, presque écrit en une seule nuit, mais entre le scénario proprement dit et son développement, il n'y avait plus qu'une marge, et c'est ce que nous avons fait ensemble, Joubert et moi, l'écriture pour finir, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc vous voyez ici, Saint-Germain, à gauche, pour ce qu'on peut voir en tout cas, c'est donc il se trouve à droite du trio, à gauche un autre auteur scout, Jean-Louis Foncine, au milieu, autre auteur scout, je crois que c'est Georges Fernet, et Pierre Joubert, vous l'avez ici, au centre. C'est donc avec Pierre Joubert que l'élaboration du scénario va être lancée. Alors Pierre Joubert, on le connaît, il va devenir illustrateur vedette de la collection Cinépiste, mais on le connaît également pour les illustrations qu'il a réalisées chez Marabout Junior, pour Bob Moran notamment, mais aussi chez Hachette pour la vie privée des hommes, toute une collection historique. Les deux hommes se connaissent déjà par l'intermédiaire du scoutisme. Dalens a rédigé quelques contes et nouvelles pour le journal Scout, journal des Scouts de France. Alors les Scouts de France, c'est l'équivalent, pour simplifier, des Scouts catholiques de Belgique, si vous voulez. Donc il a rédigé quelques nouvelles que Joubert a illustrées. Donc ils se connaissent déjà un petit peu. Alors Joubert va proposer à Dalens d'écrire un roman scout parce que justement on sent que la mode devient une mode du roman scout. On sent qu'il y a des, enfin on voit qu'il y a des collections qui sont prêtes à accueillir ce type de roman. Donc voilà, Joubert propose cela à Dalens et ils peuvent facilement se rencontrer puisque Joubert fait son service militaire à Strasbourg où Dalens habite, donc ils peuvent se rencontrer à Strasbourg régulièrement. Alors Joubert, dans ses souvenirs, dira que Dalens rêvait d'imiter et même de dépasser, si possible, Jacques Michel, dont je vous parlais tout à l'heure. Il avait dans la tête l'histoire d'un jeune prince, dit-il, c'était à la mode, on pense au petit roi d'André Lichtenberger. Mais le problème, c'est que, dit Joubert, il fallait que ce petit prince rencontre des scouts, que ça ait l'air plus ou moins vraisemblable. Hein. Donc c'est ensemble, Joubert et Dalens vont essayer de réaliser, d'inventer l'histoire qui tienne la route. Quant au modèle d'Eric, alors je vous passe les détails, hein, Dalens va expliquer certaines séances de travail là, à la brasserie Schutzenberger à Strasbourg, à ce qu'il pouvait manger, vous imaginez la nourriture alsacienne qui pouvait accompagner ce type d'élucubration intellectuelle. Alors quant au modèle d'Eric, un a été cité par Dalens, un de ses modèles, c'est l'acteur Robert Linen. C'est pour ça que j'ai... Alors, je ne sais pas si on va... Voilà, on va un peu mieux voir ici. Robert Linen, qu'on connaît, bon, qui a joué dans Poil de carotte notamment, mais qui a surtout joué en... Enfin, surtout, pour Dalens, joué en 1933 dans Le Petit Roi, Le Petit Roi qui est l'adaptation cinématographique du roman d'André Lichtenberger dont je vous parlais tout à l'heure, par Jean Duvivier. Et donc, Dalens a été... touché par cette figure de Robert Linen, au point qu'il dédiera le dernier roman du cycle du prince Eric, paru beaucoup plus tard, j'en parlerai tout à l'heure, il le dédiera à la mémoire de Robert Linen. Donc vous voyez que là, il y a un modèle qui est bien présent. Un milieu général, je vous le disais, une rencontre de deux hommes, et puis une collection prête à accueillir ce premier roman de Dallas. Et cette collection, c'est la collection Signe de Piste. C'était pas la première collection qui avait été approchée pour publier Le Bracelet de Vermeil. D'abord, une fois que le manuscrit était achevé par Dallas, Joubert l'a lu, et Joubert n'était pas trop emballé. C'était beaucoup trop sentimental pour lui. C'est un des traits caractéristiques du Prince Eric et de Dallas en général, c'est que ce sont des romans sentimentaux. Pierre Joubert le trouve trop sentimental, mais il le fait quand même lire à un adolescent de son entourage, qui lui le trouve très bien, le dévore. Donc Joubert se dit, il faut peut-être le faire publier quand même, et il va d'abord démarcher les éditions Spes, qui ont une collection Scout, la collection Jean Bourret, puis les éditions Gigor avec Le Feu de Camp, mais toutes deux refusent de le publier. Jacques Michel décide alors de conserver ce roman pour la collection dont il vient de devenir directeur aux éditions Alsacia, édition alsacienne comme leur nom l'indique, la collection Signe de Piste, donc qui vient d'être créée. C'est une collection qui est placée sous l'égide du scoutisme de par son nom même, Signe de Piste, vous voyez le logo, on a un Signe de Piste caractéristique, mais qui n'a pas été inauguré par un roman scout, puisque le tout premier roman, c'est un roman indianisant de Georges Cerbolo-Celagnac, vous le voyez ici, sous le signe de la tortue. Enfin, on sait quels sont les liens entre le scoutisme et l'imaginaire indianisant, donc pas tout à fait incongru. Deuxième roman, roman de animalier de Guy Larigaudy, Le Tigre et sa Panthère, qui est un roman scout à proprement parler, mais animalier. Et Le Bracelet de Vermeil constituera le troisième roman de la collection. Dallas ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va publier des suites, d'abord Le Bracelet de Vermeil en 37, puis Le Prince Eric en 39, et enfin La Mort d'Eric en 1943. Alors là, on voit nettement moins bien, parce qu'évidemment, j'ai essayé de faire tenir toutes les vignettes sur une seule page. Et donc, les trois romans du dessus constituent la trilogie initiale. Dallas va compléter cette trilogie initiale. Alors d'abord, la trilogie se termine par la mort d'Éric, et ça ne se termine pas très bien. Non seulement Éric meurt, et Christian se retrouve dans le château de Birkenwald, dans lequel il avait rencontré Éric dans Le Prince de Vermeil, prisonnier et emmené par les Allemands. Vous voyez, en termes de fin de trilogie, on peut imaginer plus porteur d'espérance. Alors, il va proposer une suite en 46 avec la Tache de Vin, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, il proposera d'autres suites beaucoup plus tard. Éric le Magnifique en 84, et ainsi régna le Prince Éric en 1992. Vous voyez qu'en fait, le cycle du Prince Éric se termine il n'y a pas si longtemps, il y a 22 ans maintenant. L'ordre initial a été modifié par la suite par Dallas, donc on peut le trouver dans les pages intérieures de certains romans. Finalement, Dallas choisira comme ordre de son cycle le Bracelet de Vermeil, le Prince Éric, la Tache de Vin, la Mort d'Éric, Éric le Magnifique, et ainsi régna le Prince Éric. Il faut que je vous en parle un petit peu quand même de tous ces romans, je vais aller vite. Enfin, il faut se replonger dans l'histoire. Si on doit évoquer une figure, il faut savoir qui est cette figure et quel est son devenir, évidemment. Alors, on va commencer évidemment par Le Bracelet de Vermeil, premier roman dans lequel Éric apparaît. Éric apparaît d'abord comme un scout étranger qui arrive un beau jour dans une troupe qu'il ne connaît pas, une troupe de Français qui part en camp d'été en Alsace, en château de Birkenwald. Éric est un scout parmi d'autres, bon, il a l'air un peu perdu, et c'est un jeune scout de la patrouille du Loup dans laquelle il est intégré, un jeune scout qui s'appelle Christian, qui va lui venir en aide, essayer de le seconder, une amitié naît entre eux. L'amitié sera un des thèmes structurants de ce roman. On se rend compte tout à fait par hasard qu'en fait, Éric n'est pas un scout lambda, c'est un prince, en fait. Un prince, une petite principauté, Swedenborg, une petite principauté, quelque part, à côté de la Norvège. Et ce prince est non seulement accablé par la perte récente de ses parents, mais également, il est écrasé par le poids d'une mission familiale que son père lui a léguée avant de mourir. Il lui a transmis un bracelet avec un message énigmatique, BK 11836. C'est tout, sans rien lui expliquer. Son père ne sait pas très bien en quoi consistait cette mission, mais il demande à son fils de la remplir tout de même. Donc voilà, double poids pour Éric qui vient de devenir tout à fait orphelin, et puis qui doit remplir une mission dont il ne connaît pas la teneur. Christian va essayer de l'aider à découvrir le sens de cette mission. Alors, on se trouve, donc ils sont en train de camper à Birkenwald, à côté d'un château ancien. La châtelaine, quand elle leur a fait découvrir le château au début du camp, leur a indiqué qu'il y avait encore des souterrains. Christian ne rêve que d'aventure, tout au contraire d'Eric, et il va essayer de trouver ces souterrains. Il les trouve, et au cœur de ces souterrains, que découvre-t-il un vieux registre, un vieux, j'allais dire grimoire, c'est pas un grimoire, c'est un registre, par lequel il apprend en fait que la mission d'Eric est de perpétuer une vengeance séculaire. C'est-à-dire qu'il y a bien bien longtemps, les ancêtres de Christian ont tout à fait ruiné la famille d'Eric, enfin ruiné pas seulement financièrement, ils ont torturé, ils ont tué les ancêtres d'Eric, et les ancêtres d'Eric ont décidé, pour se venger, qu'à chaque siècle, un descendant de la famille de la famille de Christian, devrait être tué, payer le prix du sang pour ces exactions commises dans un passé lointain. Beka 11836, c'est ça, Beka c'est Birkenwald, 11836, c'est-à-dire que c'est le 11 août de chaque année 36 de chaque siècle que doit être commis ce meurtre réparateur. Le problème, c'est que le descendant de la famille d'Eric, c'est Eric, et le descendant de la famille de Christian, c'est Christian. Donc si Eric veut remplir sa mission, il doit tuer Christian. Le problème aussi, c'est que Christian ne remonte pas de son souterrain, parce qu'il est resté bloqué quelque part, il est tombé dans une guilde. Eric va se rendre compte de ce départ de Christian, il va aller à la recherche de Christian, il va tomber sur le manuscrit et prendre conscience de sa mission. Conflit cornélien, est-ce qu'il doit être fidèle à son ami et donc être parjure à son père, ou au contraire, est-ce qu'il doit rester fidèle jusqu'au bout à la mission qu'il s'est juré de remplir et donc abandonner son ami. Il est désespéré, de rage, il arrache son bracelet, le piétine, le signe que cette mission est une mission en fait fallacieuse d'une certaine façon, mais remonte quand même à la surface, sans Christian, qu'il choisit d'abandonner, mais il remonte dans un état second, et il va être extrêmement désespéré durant plusieurs jours. Il ne sait pas très bien que faire, alors il se confie dans un milieu de scout catholique, donc il va à la messe, il se confie à un moment donné, il se lance dans la prière, il ne sait pas très bien que faire. Pas de réponse, il est tellement perdu qu'il décide de se suicider. En 1936, dans un roman pour la jeunesse. Donc là, il y a quand même quelque chose de 1937, dans un roman pour la jeunesse. Donc c'est relativement fort pour l'époque, dans un lieu catholique en plus. Eric s'est monté à cheval, donc il sait comment tomber pour ne pas mourir, il sait aussi comment tomber pour mourir, et il va choisir cette solution pour mourir jusqu'à ce qu'il entende, juste avant de tomber, une sorte de voix, alors une voix intérieure, on ne sait pas très bien, une voix intérieure qui semble répondre à cette prière qu'il avait lancée, qui lui dit « Bon, bah, écoute, moi je t'ai donné un ami, c'est pas pour le perdre, c'est pour le sauver, parce qu'il y a un scout quelque part, quelque chose doit être changé en mieux, tu n'as pas le droit de condamner ton ami, ton père ne savait pas ce qu'il te demandait, donc surtout va sauver ton ami, et tant pis pour la mission de ton père. » Vous voyez, vous avez une sorte d'autorité suprême qui vient se substituer au père pour soulager la conscience d'Eric. Tout est bien qui finit bien. Eric tombe, mais ne se tue pas. Il va indiquer à ses chefs où se trouve Christian, qui va être sauvé. Et voilà, Christian ressort. Et ils deviennent plus amis que jamais. Sinon, qu'ils vont se séparer puisque le camp se termine. Alors, heureusement, toute la patrouille va revoir Eric, lui doit rentrer à Swedenborg, toute la patrouille va revoir Eric dans Le Prince Eric. Les scouts sont invités par Eric à Swedenborg. Je vous passe les péripéties, ils arrivent à Berlin où ils sont arrêtés par un pseudo-message d'Eric leur disant de ne pas venir tout de suite. Pseudo-message parce qu'en fait, il se trame beaucoup de choses à Swedenborg. Ils vont s'en rendre compte dès leur arrivée, Eric, ils ne peuvent pas le voir tout de suite. Puis quand ils peuvent le voir, ils doivent rester à distance d'Eric, et ils ne comprennent pas pourquoi. Puis ils trouvent qu'il a changé, physiquement, c'est plus tout à fait le même. Et très vite, ils apprennent qu'en fait, ce ne sont pas des élucubrations paranoïaques de leur part, qu'effectivement, Eric n'est pas Eric, c'est Jeff, le page d'Eric, qui leur apprend en fait que Tadek, le premier ministre, le premier conseiller, est en fait un traître qui a séquestré Eric et qui a mis à sa place un sosie. Yngwie, qui est un sosie presque parfait, mais pas tout à fait parfait, puisque les scouts se sont rendus compte que ce n'était pas lui. péripétie, évidemment, parce que Eric se trouve enfermé dans une citadelle en pleine mer. Donc les scouts, aidés par l'ambassadeur de France à Swedenborg, vont délivrer Eric en pleine mer, quand même, au mois de décembre. Vous imaginez ce que ça peut donner. Malheureusement, il n'arrive pas à rejoindre la capitale, Swedenborg, avant le sacre du sosie, qui est effectivement sacré prince de Swedenborg. Mais le sosie n'en a plus pour longtemps, puisque Tadek l'avait choisi pour... c'était un malade, c'était un tuberculeux. Tadek l'avait choisi pour qu'il ne dure pas trop longtemps et avait chargé son médecin d'abréger ses jours pour pouvoir se faire couronner à la place du prince. Et les scouts arrivent avec Eric au moment où Tadek va poser sur sa tête la couronne de prince. Et donc, bah, situation, scène très théâtrale, hein, où Eric chasse Tadek, le conseiller fait. Roman d'aventure, en gros, ce principe. Puis Eric meurt. Eric meurt à la guerre. Un traité prévoyait que le prince de Swedenborg pouvait s'engager dans l'armée française en cas de conflit. Et c'est ce qu'il fait. Il choisit tout à fait librement de s'engager dans l'armée française. Je vous passe les détails. Il va retrouver Christian. Grâce à différents hasards, mais Eric, lors d'une mission, va être touché par un obus, un éclat d'obus, et il va rester le long de la route, il va rester blessé le long de la route, ne va pas vouloir monter dans une ambulance, parce qu'un petit garçon est blessé aussi tout près de lui. Une ambulance s'arrête, mais il y a une seule place, or ce petit garçon est accompagné par sa sœur, il ne peut pas quitter sa sœur, et donc Eric choisit de ne pas prendre sa place. Il dit que voilà, si ce petit garçon ne peut pas être sauvé, il n'y a pas de raison que lui monte dans l'ambulance. Donc à force d'attendre, eh bien, il arrive à l'hôpital trop tard. Qui le recueille dans l'hôpital de campagne, eh bien c'est le docteur Doncourt, le père de Christian, qui est chirurgien, ça on l'avait appris déjà avant, et qui est là pour lui fermer les yeux. Il est jeté dans une fosse commune du côté de Vittel. Voilà la trame de cette première trilogie. La Tache de Vin, en fait, elle, est un roman est une histoire qui ne va pas tellement raconter l'histoire d'Eric, mais plutôt l'histoire de deux autres amis, de Rémi et de Jean-Luc. Du coup, je vous en parle très peu parce qu'il faut avancer sur le reste. Eric va y intervenir quand même, alors par différents subterfuges. On va voir réapparaître Tadek, qui a été chassé de Swedenborg, mais il n'est pas mort, donc il est toujours là. Comme les véritables méchants des romans populaires, il réapparaît toujours à un moment ou à un autre, mais il apparaît pour la dernière fois, puisqu'à un moment donné, sur une falaise, il est accroché à une échelle de fer. Jeff, le fidèle page d'Eric, est accroché aussi, et Jeff là s'arrange vraiment pour faire lâcher prise à Tadek une bonne fois pour toutes. Et quand on tombe d'une échelle de fer, sauf dans les véritables romans populaires, où là on peut s'en sortir à un moment ou à un autre, ici non, Tadek est bel et bien mort. J'irai encore plus vite sur Eric Magnifique, puisque ce n'est pas l'histoire d'Eric, c'est l'histoire de Silvio et d'Yngve, un autre duo d'amis. Yngve, ce fameux sosie d'Eric. Hein. Eric intervient essentiellement à la fin du récit servir de trait d'union entre Silvio et Yngve, qui est son ami, qui est décédé à Swedenborg. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je vous dirais simplement qu'Éric le Magnifique a été écrit clairement pour répondre à l'attente des lecteurs. D'Alain se le dit dans sa préface. Il dit ceci. « De rares initiés auraient seuls connu les événements relatés dans ce livre. Si tant d'amis d'Éric avaient exigé de tout savoir, après bien des hésitations, j'ai accepté de révéler ce qui demeurait jusqu'alors dans l'ombre. » Ouais, c'est la demande des lecteurs qui fait qu'en 84, Dallin reprend la plume pour pas délaisser la plume, mais reprend le personnage d'Eric. Pareil pour Un Sirénal Prince Eric en 92. Voici ce que Dallin s'écrit en début d'ouvrage. Lorsqu'on m'a demandé de vous conter les dernières aventures du prince Eric, j'ai répondu que tout était dit, que vous ne voyez pas ce qui pouvait être ajouté aux 5 titres déjà parus. Cette fin de non-recevoir étant, paraît-il, peu satisfaisante, on m'a expliqué que bien des problèmes étaient encore posés, bien des questions demeuraient sans réponse, et que je ne saurais me contenter d'en à peu près. Vous voyez que là, c'est une fin tout à fait tardive, et à la demande des lecteurs, Serge Arras est né en 10, donc il a déjà 82 ans quand il écrit un Sirénal Prince Eric. On voit qu'Eric est un personnage qui vraiment a accompagné toute sa carrière d'écrivain, du début jusqu'à la fin, puisque Dallas meurt en 98, donc on est là presque à la fin de sa vie. Eric n'est pas le personnage que Dallas aimait le mieux. Dalins préférait par exemple son personnage de Baudouin IV de Jérusalem, hein, le roi lépreux autour duquel il a créé une histoire, ou le personnage de Saint Tarsicius mis en scène dans la couronne de pierre, mais c'est en tout cas le personnage qui était le plus populaire de tous ces personnages. Alors on connaît mal les chiffres de vente exacts des romans de Dalins, parce que d'abord c'est compliqué d'avoir les chiffres des éditeurs, surtout quand ces éditeurs sont anciens et ont archivé leurs archives comme ils les ont archivées. Alors on a quand même quelques indices. En 56, dans un article dans une interview de la revue Enfance, Dalin Céphrosine, qui était directeur de la collection Signes de Piste à l'époque, disait que en fait on pouvait compter donc en 56 un total d'exemplaires vendus estimé entre 2 800 000 et 3 millions pour toute la collection. Et des tirages, disait-il, qui dépassaient les 100 000 exemplaires pour les ouvrages les plus vendus. Quand on sait que les ouvrages de Dalins sont les plus célèbres de la collection Signes de Piste, on sait donc qu'en 56, les ouvrages de Dalins, et en tout cas ceux du Prince Éric, sûrement en tout cas le Prince Vermeil, étaient tirés à plus de 100 000 exemplaires. Alors, il faut des points de comparaison. Eh bien, à l'époque, prenons un autre éditeur pour la jeunesse, les éditions de l'Amitié. Eh bien, les éditions de l'Amitié déclaraient dans le même journal Enfance, dans le même numéro, déclaraient des chiffres de vente de 50 000 exemplaires pour les meilleurs tirages. Vous voyez là, on atteint des chiffres qui doublent ceux des éditions de l'Amitié. Quelqu'un comme Jean Perrault va remarquer que on est confronté là à un phénomène éditorial assez exceptionnel, et que ces chiffres ne seront dépassés que par ceux des séries Hachette, les séries du type Le Club des Cinq d'Edith Blyton. Mais là, on a toute la machinerie Hachette derrière, qui n'a rien à voir avec la machinerie éditoriale de l'Alsacien non plus. Les rééditions vont être nombreuses. Alors pour le seul Brasset de Vermeil, eh bien, on va... voilà. Regardez plusieurs couvertures ici, hein. Là encore, je les ai mises bout à bout parce que c'est simplement pour vous donner une idée. Mais le catalogue de la Bibliothèque nationale de France pour Brasset de Vermeil, eh bien, signale des éditions de 37, édition originale, de 48, 71, 76, 84, 88, 89, 91. Et on sait que ce catalogue ne reprend pas toutes les réimpressions d'abord, et un certain nombre de rééditions non plus. Par exemple, l'édition définitive ne s'y trouve pas. Donc vous voyez que cet ouvrage a été très souvent réimprimé et réédité. À côté des réimpressions et des rééditions, on trouve des adaptations, à commencer par des adaptations en bande dessinée. Alors, on a d'abord en 66-67 Alain d'Orange, qui a travaillé dans Fripounet, Cœur Vaillant, La Semaine de Suzette, des revues scouts, etc. Alain d'Orange qui adapte pour la revue J2Jeune. Alors J2Jeune, c'est un hebdomadaire qui a succédé à Cœur Vaillant. Alain d'Orange a adapté Le Brasset de Vermeil, Le Prince Éric et La Tache de Vin. Vous voyez donc la vignette de gauche. Un peu plus tard, en 70, c'est Francis Bergès, qu'on connaît pour sa collaboration à Bogdani, qui publie le Brasset de Vermeil aux éditions MCL. Les éditions MCL sont des éditions qui publient des bandes dessinées, notamment des bandes dessinées en petit format. Alors pour le Signe de Piste, c'était des bandes dessinées 13-18. Et les éditions MCL avaient une sous-collection Signe de Piste, dans laquelle étaient adoptés un certain nombre de romans célèbres du Signe de Piste. On trouvera 16 romans du Signe de Piste adaptés en tout, dont Le Brasset de Vermeil. En 84, un projet d'Éric Arnoux, qui n'a pas débouché sur une édition. Et donc voilà, vous voyez une planche complète qu'il a mis à la disposition des internautes sur son site internet. On sait aussi que les éditions du Lombard avaient un projet d'adaptation, mais qui n'a pas abouti. Et puis, ici, sur notre parodique, hein, Yann et Hardy, dans La Patrouille des Libellules, mettent en scène Le Prince Éric également. Je vais très vite, parce que je me rends compte que le temps passe, en fait, avec encore plus vite que ce que j'aurais cru. Je vous dirais simplement que Le Prince Éric a également été adapté en film fixe. Alors, le film fixe, c'est un film qui place des images bout à bout, que ce soit des dessins ou des photographies. En l'occurrence, ce sont des dessins de Joubert. Alors en 48, il a été réalisé donc en film fixe, mais c'est un film qui n'a jamais été commercialisé. On en a retrouvé des copies, mais sans plus. C'était les éditions Delahaye qui ont repris le label Signes de Piste, ont publié un ouvrage reprenant un certain nombre des dessins de ce film fixe. On note également une adaptation en disque, les disques festivals, hein, vous avez peut-être connu, hein, ces disques 33 tours qui reprenaient certains, certains récits pour la jeunesse. Et puis au théâtre, vous avez des tas de troupes scouts qui ont essayé d'adapter le Prince de Vermeil, le Prince Eric. Bon, Dalens parfois était un peu désespéré de ce qu'il voyait, du coup il a lui-même proposé une adaptation, le Prince de Vermeil à la scène au feu de camp. C'est intéressant parce que c'est une adaptation qui nous donne accès à une autre partie de l'imaginaire de l'auteur, notamment par les didascalies. Il propose des choix de costumes, de décors, de musique également, et ça nous fait rentrer dans les méandres de l'imaginaire de l'auteur, donc c'est assez intéressant. Ce Bracelet de Vermeil combiné au Prince Eric a été mis en scène à Paris, alors dans les années 90, un peu avant la mort de Dalens. De manière semi-professionnelle, c'est un metteur en scène professionnel qui avait engagé des acteurs amateurs, puisqu'il fallait de jeunes acteurs. Et donc là, ça avait été un des grands moments du Prince Eric au théâtre. Dernière chose, c'est la question des adaptations. Je vais un peu trop vite. Vous l'avez vu auparavant. Ici, voilà, on a un exemple d'adaptation en turc, par exemple. Je n'y arriverai pas, mais quelque part, je l'avais. Voilà, l'image est mauvaise, elle vient d'Internet, mais on peut trouver des adaptations en galicien, on peut trouver des adaptations en portugais, en italien, en allemand. La connaissance, pas en anglais, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, le fait qu'il n'y ait pas eu d'adaptation en anglais. Alors à chaque fois, il faudrait retracer le trajet éditorial, évidemment, pourquoi en turc, par exemple, pourquoi en galicien. Alors c'est un travail qui reste à mener, mais donc vous voyez qu'il y a eu une audience internationale. Alors, en termes de réception, c'était l'image de dédicace qui est très mauvaise, mais j'ai essayé de trouver mieux sur Internet et je n'ai pas trouvé. On voit Dalens vraiment à la fin de sa vie à une dédicace dans la région de Lille, une dédicace dans un collège, bon, avec beaucoup de scouts dans le collège, vous le voyez. La réception critique du Prince Eric est très très intéressante à étudier. Alors, je vais pas vous faire tout un exposé sur la critique des romans scouts et la critique de Dalens en particulier, parce qu'il y en aurait pour des heures. C'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler il n'y a pas tellement longtemps. Globalement, qu'est-ce qu'on peut distinguer? On peut distinguer la critique professionnelle et la critique des lecteurs amateurs, si vous voulez. La critique professionnelle est très partagée, voire parfois très négative à l'égard de Dalens. Alors je pense à un article d'Isabelle Jean et Paul Litsky en 72 dans le journal Combat, article intitulé, alors bon, le titre est déjà révélateur, faux roman scout, point d'interrogation, vrai roman de classe, point d'interrogation. Le syntagme roman de classe montre déjà que c'est une critique qui n'est pas de neutralité absolue. Mais là, on a une grille d'analyse bien, bien particulière. Bon, alors on reproche à Dalens de mettre trop de nobles dans ses romans, etc. Dalens dit, oui, mais moi, voilà, enfin, Dalens, c'est pas son vrai nom, c'est Yves de Verdillac, c'est son milieu, il dit, j'avais pas parlé d'ouvriers, je les connais pas, je sais pas comment ça marche, et j'allais leur faire injure si j'en parlais, donc j'ai parlé de ce que je connaissais. On est convaincu ou pas par la réponse, mais un peu plus tard, en 2008, à l'occasion d'une exposition organisée à la Bibliothèque nationale de France, un catalogue avait été édité, et on y trouve ces quelques mots à propos du Prince Eric. Je vous les lis, parce que ce sera intéressant pour ce que je vous dirai tout à l'heure, si j'ai encore le temps de vous le dire. Donc, best-seller incontestable des 37, le cycle du Prince Eric a marqué bien des lecteurs pendant plusieurs décennies, tout en constituant une véritable faille culturelle. L'auteur et son œuvre, très peu citée et encore moins analysée dans la quasi-totalité des ouvrages critiques ou de référence, ne récolte quasiment que des jugements négatifs, car l'œuvre de Dalens a plus que prêté le flanc à la critique. Le culte du héros, du chef, du sacrifice, de l'esprit de corps, l'attachement au système hiérarchique et l'obéissance, et le souci d'une certaine tradition catholique sont quelques-uns des thèmes qui irriguent ses romans. Si on les lit rapidement, c'est moi qui ajoute si on les lit rapidement, parce que quand je vous ai résumé le Bracelet de Vermeil, vous avez bien rendu compte que un roman dans lequel on trouve un suicide, roman dans un milieu catholique de 37, un roman qui montre que le héros a quand même bien raison de ne pas écouter son père pour privilégier son ami, en termes de respect de la hiérarchie, en obéissance à une société traditionnelle, on peut rêver mieux, si vous voulez. Donc, je pense que on a souvent cherché dans le Prince Eric ce qu'on voulait y voir. On peut avoir, certains critiques ont parfois projeté un certain nombre de leur, comment dire, fantasme, je dirais. Des critiques récurrentes, c'est à regarder ce grand blond aux yeux bleus, apologie de la jeunesse arienne. Pas de chance, Eric a les yeux verts et pas bleus. Donc, c'est un peu moins arien, déjà, les yeux verts. Hein. Donc, vous voyez que, alors bien sûr que je simplifie de manière lapidaire, il y aurait des choses à dire, il y aurait des nuances à apporter à ce que je viens de vous dire. Mais, globalement, la question qu'on doit se poser, à mon avis, c'est pas tellement de savoir ce que ce type de critique nous apprend du Prince Eric, c'est ce que ce type de critique nous apprend d'elle-même. Alors c'est un sujet qui me passionne et je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec ça, mais simplement, on est en train de se rendre compte avec le recul qu'une certaine critique française des années 60 aux années 90, a été une critique en littérature de jeunesse qui était assez peu pluraliste, si vous voulez. Donc, qui avait ses propres tâches aveugles, qui avait ses propres obsessions, qui avait son propre ancrage idéologique aussi. Alors, c'est tout à fait normal. Quand ça devient monolithique, c'est un peu ennuyeux, quand même. Simplement, quelqu'un comme Penny Brown, qui est universitaire anglaise, qui a réalisé un très beau travail sur l'histoire de la littérature de jeunesse en France, consacre 4 pages à Valens, 4 pages tout à fait objectives, mais c'est une anglaise. Vous voyez, comme si les Français avaient eux-mêmes un problème avec leur propre... une certaine frange au patrimoine culturel. Que vous dire encore, c'est que, bah, par exemple, le Club des Cinq d'Enid Blyton a été aussi tout à fait vilipendé par cette même frange de la critique à la même époque. Donc, il y a des questions à se poser sur la critique. Je vous dirai encore une chose, c'est je crois qu'en France, on n'aime pas tellement ce qui marche bien. Donc, quand ça marche, quand ça a du succès, quand il y a des chiffres de vente et quand on gagne de l'argent, alors que les Américains adoreraient ça parce qu'on gagne de l'argent, donc c'est qu'on a réussi, les Français, c'est le contraire. Il vaut mieux croupir dans son, je caricature, dans son grenier, hein, l'image de l'artiste romantique maudit, que de trop bien réussir de son vivant. Donc je crois que tout ça, plus dans un certain nombre de choix idéologiques et politiques de Valens dans sa vie, mais je n'insiste pas là-dessus maintenant parce qu'il vous êtes 3 nouveaux quarts d'heure pour vous en parler, mais tout cela explique sans doute une certaine réticence de la réception critique professionnelle. Qu'en est-il du côté des lecteurs réels, des lecteurs non professionnels? Eh bien là, en revanche, on peut trouver des réactions tout à fait enthousiastes. Alors, je vais vous en parler très peu. Est-ce qu'on peut faire sa publicité lors d'une conférence? Je ne sais pas, mais je vais publier un ouvrage là-dessus, à l'été. Enfin, c'est la thèse qui doit publier depuis 7 ans, qui va enfin être publiée, puisque j'ai travaillé sur la réception du roman scout, et j'essaie de comprendre pourquoi ça avait si bien marché à une certaine époque. L'hypothèse, c'est qu'en fait, on a la rencontre d'un imaginaire particulier, hein, d'un imaginaire littéraire, qui rencontre à la fois des structures sociales et des structures psychologiques particulières. C'est-à-dire, on est un lecteur de 15 ans dans une France d'une certaine époque, comment reçoit-on un certain imaginaire? Et comment expliquer que ça marche, en fait? Donc voilà, ce sera en principe édité chez Peter Lang bientôt, donc je peux pas vous faire évidemment le résumé de la thèse en 5 minutes. Simplement, j'ai pendant des années écumé, alors là j'ai sur internet d'abord pour trouver ce que les gens disaient dans les forums de discussion, j'ai essayé de trouver des copies, enfin des articles de journaux, etc. J'ai trouvé énormément de choses. Alors, je pense notamment à un ouvrage qui s'appelle Scout Toujours, qui compile des témoignages d'anciens scouts qui sont devenus des vedettes médiatiques. Et qui parle parfois du prince Eric, par exemple, Jérôme Bonaldi, qui dit qu'il a dévoré la littérature de cette époque, la collection Signe de Piste, le prince Eric, et il dit, je les ai relus récemment, et ça me fait toujours rêver. Là, c'est intéressant que, comme adulte, ça me fasse toujours rêver. Autre exemple, quelqu'un comme l'animateur Jacques Martin, qui dit que, s'il fouille sa bibliothèque, il est presque certain d'y retrouver quelques volumes, narrant les aventures d'un personnage légendaire pour les scouts de mon époque, dit-il, le prince Eric, dont l'ombre s'allonge et s'évapore comme la prière des scouts autour du feu de camp. Bertrand Poirot-Delpech, l'académicien, parle du prince Eric également, mais Poirot-Delpech a écrit un roman dans la collection Signe de Piste sous un pseudonyme, donc on comprend qu'il est peut-être plus proche du prince Eric. Mais, bon, ça c'est pour quelques vedettes, mais à côté de cela, on peut trouver des témoignages comme ce club de majorette qui avait décidé de se doter du nom du prince Eric. Bon, elles ont changé de nom en 2009, je m'en suis rendu compte hier, parce que bon, le prince Eric était peut-être un peu moins connu à ce moment-là, mais ou alors ce groupe intitulé Les Compagnons d'Eric, groupe d'adolescents qui fonctionnait dans les années 70, je crois, et sans doute 80 encore, et qui se réunissait sous l'égide la figure du prince Eric. J'ai trouvé des témoignages de pères qui, en tant qu'adolescents, avaient été fascinés par le prince Eric, et qui avaient un fils, prénommé leur fils Eric, en mémoire d'Eric, du personnage, si vous voulez. On sait ce que, bon, pour ceux qui ont des enfants, ce que c'est choisir un nom pour son enfant, c'est pas rien. On voit quel est le poids symbolique que ce personnage a eu pour certains livres. Eh bien, on se rend compte que même si évidemment le prince Eric est moins connu maintenant, en raison d'une politique éditoriale qui a été difficile pour le Signe de Piste pendant de nombreuses années, en fonction également de changements culturels, les adolescents de 13, 14 ans ne disent plus la même chose, sont profondément différents de ceux il y a 50 ans, et même de ceux que, de celui que j'ai été, moi, il y a 25 ans. Donc bien sûr, il y a des changements culturels, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, et Internet est précieux pour cela, il reste des réactions enthousiastes d'adolescents de 16, 17 ans, parfois, qui découvrent le prince Eric dans le grenier de leur grand-mère, chez un bouquiniste, et qui ne le lâchent pas de toute la nuit, qui lisent le roman d'Alains, qui sont impressionnés par ce roman, comme l'étaient des lecteurs des années 50. Je ne développe pas pour la réception, puisqu'il ne reste que 5 minutes. Je voudrais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon avis, enfin, une des raisons pour lesquelles le prince Eric a tellement fasciné. Eh bien, c'est que, au contraire de ce qu'une certaine critique professionnelle a pu dire, c'est un héros tout à fait atypique. Le prince Eric est là où on ne l'attend pas, si vous voulez. Il n'est pas ressemblant à l'image que on croit qu'il pourrait avoir. J'utilisais cette image-là, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il ne correspond pas au grand modèle des personnages de littérature de jeunesse qu'on trouve à cette époque. Des sociologues comme Marie-Josée Champardelot et Claude Belland avaient proposé une typologie des personnages. Alors c'est pas le bon exemple, ce n'est pas le saint Vitrail, c'est pas le mauvais exemple, ce n'est pas un comique, pas spécialement. Balin, c'est pas un grand comique dans ses romans. Ce n'est pas non plus l'aventurier. Eric dit qu'il n'aime pas les aventures, il n'aime pas le mystère. Ce n'est pas non plus tout à fait l'enfant malheureux, ce n'est pas Rémi dans Sans famille d'Hector Malot, il n'y a pas de misère sociale non plus, c'est pas ça. Il échappe à ces catégories. Eric est plutôt un personnage tragique. Il échappe au fatum, à la destinée aveugle, dans Marcel Vermeil. Il y échappe dans Le prince Eric, il n'y échappe pas jusqu'au bout, puisque la mort le rattrape dans La mort d'Eric. Donc personnage tragique, ce qui peut évidemment fasciner le lecteur, puisque le lecteur, notamment dans Marcel Vermeil, est amené à être le témoin de ce débat intérieur qu'Eric connaît. Et on sait que plus un lecteur est associé à la vie intime du personnage, plus il peut s'identifier au personnage. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a, je crois, cet engouement pour le personnage d'Eric. Mais on peut aller plus loin. Alors bien sûr, Eric incarne des valeurs claires, donc il est courageux et non loyal et non lâche, pardon, loyal et non traître, il est juste et pas injuste, vous voyez, on est plutôt dans le binaire ici. Il est généreux, il est humble alors qu'il est prince. Il est beau, on aurait pu parler des illustrations parce que j'ai des tas de commentaires qui disent ah ben oui mais il est trop beau, donc voilà, des commentaires même encore assez récents. Donc évidemment ça compte. Je n'avais pas le temps de vous parler des illustrations d'Hubert, mais il y aurait beaucoup de choses à dire également. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces qualités sont mises plus profondément au service d'une éthique qui, elle, n'est pas binaire. On est dans une logique du tiers inclus. On n'est pas dans le tiers exclu, on est dans le tiers inclus. C'est-à-dire une logique de conciliation des contraires, une logique de réconciliation des pôles opposés. Par exemple, Le prince et le vermeil, pour ne prendre que cela, c'est un roman qui est à la fois un roman scout, qui tient du roman psychologique, qui tient par certains traits du roman d'aventure, qui tient du roman gothique, et qui tient même du roman sentimental, parce que la relation entre Eric et Christian est une relation qui structurellement est une relation de roman sentimental. C'est un roman qui fait usage de la fraternité scout, et de l'amitié qui est associée à la fraternité scout, mais pour mettre en scène une amitié passionnée, qui arrive rarement dans les troupes scouts, qui peut arriver, mais ce n'est pas le modèle indépassable. C'est une amitié qui possède toutes les caractéristiques de la passion amoureuse, mais sans, c'est pas un roman gay, le Brasset de Vermeil, on trouve maintenant en littérature de jeunesse ce type de roman. Ben, à l'époque, c'est pas du tout le propos de d'Alains. Après, il y aurait énormément à dire sur ce plan-là dans la réception, enfin, un point de ce bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est pas ça, on est dans l'entre-deux également. Il y a quelque chose de subversif dans ce roman, je vous le disais tout à l'heure, un fils choisi après un débat intérieur affreux, de renoncer au serment qu'il a fait à son père mourant, pourtant dans un milieu où on ne rigole pas avec ce type de promesses. Donc, on choisit l'ami plutôt que le père, on choisit l'affection élective plutôt que le devoir hérité, on choisit la passion amicale plutôt que la fraternité paisible du scoutisme, on choisit également le mélange androgyne, parce qu'Eric, même dans l'illustration, pas ici justement, mais j'aurais pu vous le démontrer, à quelque chose d'androgyne au sens mythique du terme en tout cas, plutôt qu'une virilité conquérante. Eric est très très loin du héros viril et monolithique, donc la critique de tout là ne tenait pas la route. S'il y a bien quelqu'un qui met en scène des virilités très nuancées, c'est bien d'Alains. Non, le prince Eric n'est pas là où on croit qu'il est. Et je crois que c'est pour ça qu'il a déclenché l'engouement dans un certain nombre de lecteurs, c'est parce que justement, il offre des solutions imaginaires qui échappent aux solutions binaires. Que vous dire encore pour terminer, c'est que cette fascination tient aussi, et enfin, à la dimension mythique de ce personnage. On pourrait parler des heures du mythe. Qu'est-ce que c'est un mythe? Qu'est-ce que c'est un mythe littéraire? Alors là, là, on serait parti pour bien d'autres développements. Je dirais simplement que Eric combine au moins trois dimensions mythiques. La dimension du souverain idéal, la dimension du sauveur et la dimension de l'enfant éternel. Alors je vais essayer d'aller très vite et donc je ne vais pas du tout suivre ce que j'avais prévu parce que ce serait beaucoup trop long. Souverain idéal, pourquoi? Parce que présente une petite principauté qui marche très bien. Un souverain qui est une sorte de père pour son peuple, malgré son jeune âge, qui est aimé par son peuple, qui est juste, qui est bon, etc. Alors là, c'était royaliste plutôt, pas par héritage familial, hein. Son père était plutôt républicain, mais lui, royalisme plutôt romantique, si vous voulez. Et donc, il met en scène une principauté où tout se passe bien, mais une principauté mythique. Parce que, à la mort d'Eric, et on le voit dans Un Cyrénien, le prince Eric, eh bien, Swedenborg vote son rattachement à la Norvège. Donc, Swedenborg disparaît, une fois qu'Eric disparaît. On voit bien que, là, le modèle idéal proposé par Dalin, c'est un modèle qui ne tient que dans l'univers de la fiction, si vous voulez, qui ne tient que dans l'imaginaire, qui est un modèle qui permet de se rassurer quand la vie politique, Dalin commence à écrire en 37, la vie politique française n'est pas forcément calme à l'époque, en 37, toujours pas maintenant, mais je ne sais pas si elle le sera un jour, calme. Voilà, c'est plus calme de se sentir dans l'univers paradisiaque de Swedenborg. Eric est aussi un enfant éternel. Pourquoi? C'est un adolescent, puis ça devient un jeune homme à la fin. Il meurt le jour de ses 18 ans. Il y aurait énormément de choses à dire de cette mort. Mais l'infirmière qui constate sa mort dit qu'en même temps, on aurait dit un enfant. Il a 18 ans, mais on aurait dit un enfant, si vous voulez. Très souvent, Eric est dans les descriptions tirées du côté de l'enfance, mais d'une enfance mythique, d'une enfance éternelle, qui permet, si vous voulez, la régénération, le renouvellement par le mythe, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a de grands théoriciens qui ont travaillé cela, il y a Bachelard en poétique, il y a quelqu'un comme Jung en psychanalyse qui a travaillé cette figure de l'enfant éternel. Je ne peux pas m'étendre parce que là, voilà, j'ai déjà débordé d'une minute, donc je ne vais pas aller au-delà, mais simplement, c'est intéressant de voir qu'il rejoint ce mythe-là également. Dernière chose, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi une façon de repartir, je dirais, avec une vision qui ne s'appelle une vision stéréotypée de ce personnage. C'est un sauveur. C'est un personnage de sauveur mythique. Que voit-on ici? On voit un acte de sauvetage. Il est en pleine guerre. Je crois que ça fait référence à un enfant blessé sur une plage de Zuidcoat. Eh bien, il va aller chercher cet enfant pour le mettre à l'abri. À un autre moment, il se trouve dans un bunker, et un bunker qui est entouré par les Allemands. Enfin, ils tiennent le bunker, tient une position, et les Allemands se trouvent tout près. Et un des Allemands a été blessé. Il se trouve tout près du bunker. Eh bien, Eric va sortir du bunker au péril de sa vie pour ramener cet Allemand et pour le soigner dans le bunker, parce qu'il dit ça doit être un ennemi. Il est blessé, on doit s'occuper de lui. Même chose pour un chien. Un chien aussi des ennemis. Ce chien s'est blessé, je ne sais pas comment, et il va dire bon bah là aussi je ne peux pas le laisser tomber, c'est une pauvre bête, il est pour rien, donc je vais aller le sauver. Donc en termes de héros conquérants et qui serait une sorte de parangon des vertus guerrières, je pense qu'on a là quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et surtout, Eric meurt parce que il a voulu laisser sa place tout à fait, parce qu'il n'a pas voulu bénéficier d'une place qui, selon lui, ne lui revient pas, alors qu'un enfant, donc symbole de fragilité, enfant blessé, symbole de fragilité par excellence, qu'un enfant est en train de mourir à cause de lui. C'est à cause de cela qu'il perd du temps, c'est à cause de cela qu'il meurt en arrivant à l'hôpital de campagne. Il y a bien d'autres choses à vous dire également de ce rapport d'Eric à la fragilité, d'autant plus que c'est un rapport qui dépasse de loin la figure d'Eric, puisque on retrouve cela de manière récurrente chez Dalin. Ça, c'est vraiment une des obsessions de Dalin, la fragilité. Plus Dalin compose son œuvre, plus c'est le cas. Il va écrire dans les années 60 et 70 Les voleurs, donc là c'est la fragilité sociale, comment faire avec des jeunes délinquants, qu'est-ce qu'il faut en faire, comment faire pour ne pas leur fermer toutes les portes. Et puis il va écrire La Blanche, un roman sur la drogue dans les années 80, et à chaque fois, c'est cette obsession qui revient, comment faire pour sauver cette fragilité, si vous voulez, pour se laisser toucher par elle et pour la sauver en même temps. Et bien c'est déjà le cas dans cette figure d'Eric, qui à la fois est héroïsée, c'est pour ça que j'ai choisi cette... Alors on a une posture typique d'héroïsation, vous voyez le visage levé vers les cieux, relativement éclairé, encore que là, sur l'éclairage de cette image, il est enfin, ce soit moins clair que, enfin, ce soit un tout petit peu éclairé là sur le dessus de l'épaule. Et puis, posture tout à fait héroïsée et en même temps posture de grande proximité par rapport à la fragilité. Eh bien, ces trois dimensions mythiques se combinent. Souverain idéal, sauveur, enfant éternel. Ces trois dimensions mythiques se combinent en font une figure, et ça j'aurais pu vous le démontrer aussi, une figure christique en fait, hein, la figure christique hante l'œuvre de Dalin, y compris dans ses contes du bourreau. Et je crois que c'est aussi parce qu'Éric est une figure mythique qu'il a pu, comme tout mythe, hein, finalement, parler très profondément à l'imaginaire des lecteurs, parce que il proposait un certain nombre de réponses à des questions fondamentales. Vous savez que le mythe est là pour ça, pour répondre à des questions destinales, à des questions existentielles. Hein. Eh bien, il proposait des réponses à un certain nombre de questions fondamentales, des réponses qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas, mais en tout cas qui en parlaient à un certain nombre de lecteurs. Et je pense qu'on peut expliquer comme cela également la trace qu'il a laissée dans un certain nombre de chez un certain nombre de lecteurs et dans l'imaginaire collectif également. Voilà, je n'ai débordé que de 5 minutes finalement. Donc, je ne suis qu'à moitié comptabilisé, ça va. Merci pour votre attention. Je pense, Vic m'avait dit qu'il n'y avait pas de questions qui étaient prévues, mais si vous en avez après, vous n'hésitez pas, je ne repars pas comme un voleur, donc vous n'hésitez absolument pas. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention très très patiente.